papa et mon papa à moi. Donc je me fais bondir sur tes genoux comme à moi. Que pourrais-je te dire que tu n'étais déjà? Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Une fleur pour te couronner ta tête et un bouquet pour mettre sur ton cœur.